Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans des disciplines les plus variées. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le passage par Paris a-t-il transformé certaines œuvres qui avaient été saisies par les troupes napoléoniennes? Quelle est leur plus-value scientifique, voire politique? Comment certains objets d'art, qui étaient des tableaux d'église, reviennent-ils auréolés de leur exposition au musée du Louvre, tout en devenant l'objet de projections identitaires, tandis que leur retour devient un événement patriotique, s'interroge Bénédicte Savoie. Normalienne, agrégée d'allemand, titulaire d'un doctorat d'études germaniques sous la direction de Michel Espagne, Bénédicte Savoie vit et poursuit sa carrière en Allemagne, où elle dirige le département d'histoire de l'art de la Technische Universität de Berlin, l'université technique. L'historienne qui a fait sa thèse sur les spoliations des biens culturels par la France en Allemagne autour de 1800 a été nommée en 2016 professeure au Collège de France, titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Elle travaille avec son groupe de recherche sur les translocations, les déplacements du patrimoine en période de guerre ou d'asymétrie de pouvoir. En introduction de sa série, intitulée 1815 Année Zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, Bénédicte Savoie notait, et je la cite, « Les chevaux de Saint-Marc étaient partis avec une certaine puissance symbolique, une histoire, une narration qui leur était propre, jusqu'à leur départ en 1797. Ils reviennent en 1815 et sont rapportés par l'empereur d'Autriche. Ils sont codifiés autrement, c'est l'une des très grandes questions sur le sujet des restitutions. » Pendant leur absence, et plus elle est longue, plus le phénomène est important, les objets se transforment, ils ne restent pas les mêmes. Nous gagnons le Collège de France le 29 mars 2019 pour le cours de Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, le retour du même, différent. Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la 6e séance de notre cours intitulé « L'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art 1815 ». Année zéro, on s'est intéressé aux aspects juridiques de la question et en faisant un zoom sur le cas de la Belgique, de ce pays créé entre 1815 et 1830, qui est donc celui des Pays-Bas et du retour des pièces prises dans la région d'Anvers, dans la région de Bruxelles et dans toute cette région ici qui est devenue donc entre 1815 et 1830 les Pays-Bas et qui ensuite deviendra la Belgique, on a regardé comment se posait, comment se réglait la question, comment se négociait la question pour les souverains qui récupéraient des œuvres alors que leurs frontières étaient nouvelles et alors que les cadres dans lesquels ces œuvres avaient été prises n'existaient parfois plus parce qu'ils avaient été supprimés lorsqu'il s'agissait d'églises et de monastères. Par exemple, comment des souverains comme Guillaume Ier, ici roi des Pays-Bas, avaient géré la redistribution des œuvres qu'ils récupéraient. On a zoomé sur le cas de la Belgique, qui avait l'avantage d'offrir toutes les sortes de difficultés qui se présentent, ou de paramètres dans ce dossier qui se présente à l'époque. Mais ce cas de la Belgique nous a permis de comprendre des structures qui valent aussi pour d'autres régions dont les frontières ont considérablement changé ou dont les gouvernements politiques ont changé avant et après la Révolution française et l'épisode de 1815. On a constaté que de nouveaux concepts patrimoniaux s'étaient mis en place, des nouvelles modes en quelque sorte, l'idée de musée centralisé par exemple, que de nouvelles frontières partageaient les territoires, que les structures d'accueil, entre guillemets, avaient été modifiées et que des souverains, parfois, comme c'est le cas pour Venise, des souverains étrangers, dans le cas de Venise, l'empereur d'Autriche, étaient désormais responsables d'un patrimoine qui, entre guillemets, ne leur appartenait pas initialement. Et pour mettre de manière, intellectuelle ou pour essayer de créer un modèle à partir de ces difficultés, j'ai proposé le terme barbare d'intertemporalité qui veut dire que, simplement, quand on pense les restitutions, il faut penser le temps qui s'est déroulé entre le moment du départ des œuvres et le moment de leur retour. Pour ce qui nous occupe ici, c'est une période de 20 ans environ. Et ce terme d'intertemporalité me mène à rappeler peut-être la définition du terme de translocation que je propose pour évoquer toutes ces questions. Vous savez, translocation, c'est à l'origine un terme de chimie génétique qui désigne, je cite une définition de chimiste, l'échange entre chromosomes provoqué par cassure et réparation, échange impliquant des mutations. Et je crois que dans les sujets qui nous occupent, si on pense les déplacements d'œuvres d'art, les translocations, le passage d'un lieu à l'autre, aussi en termes de mutations, en toujours se rendant compte que, à cause de cet entretemps, à cause de ce longtemps, les choses changent et qu'on ne revient pas au même, on arrive à les saisir et à prendre en main, et intellectuellement, et peut-être aussi politiquement, la complexité du problème. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec notre sujet, le retour du même différent, nous allons voir comment ce temps qui passe affecte non seulement les frontières, les régimes, la carte de l'Europe, les structures d'accueil, mais affecte les objets eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand un objet qui était dans un contexte A est amené dans un contexte ou dans plusieurs contextes par étapes B, C ou D, et que cet objet est censé, 20 ans après, revenir au même endroit, ou dans d'autres cas, quand il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, 5 ans ou 6 ans après, ou dans le cas des déplacements à l'époque coloniale, 100 ans ou 150 ans après. Voilà. Comment les objets sont eux-mêmes transformés? C'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, qui est lié évidemment au précédent, à qui rend-on, je viens de le dire, mais qui est lié aussi au suivant, qui s'intitulera « Réappropriation plurielle », puisque comme les objets changent, enfin, il se passe quelque chose avec eux, et on va voir quel genre de choses il peut arriver à ces objets, comme ces objets reviennent transformés, reviennent changés, reviennent parfois physiquement transformés, les réappropriations qui ont lieu après, quand ces objets reviennent, sont différentes. On ne peut pas récupérer la vieille chemise prêtée à un ami et qu'il a portée pendant 30 ans, la remettre tout simplement comme si c'était la chemise fraîche qu'on avait, qu'on s'était fait piquer à une soirée. Je propose trois tiroirs, trois chapitres qui s'intitulent très simplement cette fois, un, matériellement autre, où nous verrons comment la présence à Paris de certaines pièces, de certains objets, les transforme et les rend différents. Secondement, scientifiquement augmenté, où on verra comment le traitement intellectuel dont ils ont bénéficié ici ou non les a valorisés ou dévalorisés, donc la valeur par le travail scientifique. Et troisièmement, politiquement chargé, on verra comment, à leur retour, certaines œuvres qui étaient, je le dis un peu simplement, des œuvres, des tableaux d'église, etc., reviennent comme des événements patriotiques eux-mêmes, comment ces œuvres sont l'objet de projections identitaires parfois. Et puis l'objet du jour, ce n'est pas un objet, et comme je viens de le suggérer, on va parler beaucoup d'objets aujourd'hui, donc je propose que l'objet du jour soit tous les objets qui vont nous accompagner aujourd'hui, soit un tableau de Corrège, l'Eda et le Cygne, dont vous voyez ici le morceau central, des colonnes peintes ici par Hubert Robert, mais qui représentent des colonnes venues d'Aix-la-Chapelle en 1794. Vous verrez, on va rentrer dans ces questions. Une statue antique de Cassel, ou plusieurs statues antiques de Cassel, ici l'Apollon dit de Cassel, et Saint-Marc, un tableau de l'école Toscane, et plus généralement des tableaux de l'école Toscane, Saint-Marc de Fra Bartolomeo. On y revient. Matériellement autre. On retourne un petit peu en arrière dans nos histoires de frontières et on se penche sur le cas de la Prusse en 1815, où vous vous souvenez que la Prusse va prendre en main, va diriger désormais ces régions extrêmement occidentales qui sont à la frontière française, et notamment, et ce qui va nous intéresser ici, c'est la ville de Aachen, Aix-la-Chapelle, à l'extrême, extrême, extrême, extrême ouest de ce qui est devenu la Prusse en 1815 et, à vrai dire, encore très française, point d'interrogation, Aix-la-Chapelle, qui est la ville de Charlemagne. Charlemagne, empereur partagé lui-même dans l'historiographie et dans les lieux de mémoire entre l'Allemagne et la France, Karl der Große, Charlemagne, l'empereur que les deux revendiquent. En 1794, après la bataille de Fleurus, les armées françaises s'intéressent considérablement, et notamment les conseillers scientifiques qui accompagnent ces armées, et notamment la commission dite des arts, qui comporte par exemple Charles de Vailly. Charles de Vailly est l'architecte du théâtre de l'Odéon. Cette commission s'intéresse à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, et en particulier à ce qu'on appelle à l'époque l'octogone, c'est-à-dire un corps de bâtiment de l'époque carolingienne, où l'on considère qu'est enterré Charlemagne. Et ce qui intéresse considérablement nos commissaires français, et en particulier Charles de Vailly, et quand on connaît le théâtre de l'Odéon, on sait que Charles de Vailly aime les colonnes, ce sont ces colonnes. Ici, en double registre, vous avez des colonnes qui proviennent, selon les études en tout cas de l'époque, de Ravenne, qui ont été amenées à l'époque carolingienne ici, et qui ont servi, comme on dit, de spolien, d'éléments qui ont été intégrés à l'architecture de cette cathédrale. Les Français vont démonter ces colonnes. Malheureusement, on n'a pas de représentation ni de... Je n'ai pas trouvé encore de description de ce moment qui a dû être considérable. Ça a dû être un immense chantier. Ils vont démonter, donc déceler ces colonnes, les faire passer par les fenêtres et les emporter à Paris, ainsi qu'un certain nombre d'autres reliques de Charlemagne ou dont on considère à l'époque qu'elles sont liées à Charlemagne. 8 mai 1795, à Paris, le muséum, qui ne s'appelle pas encore Musée Napoléon, il s'appellera Musée Napoléon à partir de 1803-1804, mais c'est déjà, comme vous le savez, puisqu'on l'avait vu lors de notre deuxième séance, mais c'est déjà au Louvre, c'est déjà ce musée public. Le muséum accuse réception du, je cite, « tombeau antique de marbre blanc recueilli dans la chapelle de Charlemagne et de 2 colonnes de marbre venant d'Aix-la-Chapelle, bientôt suivies de 6 colonnes de différents granits, 6 bases, 6 chapiteaux, une louve, une pomme de pin, le tout en bronze, plus une caisse contenant une figure en carton de Charlemagne. » On apprend donc à Paris, assez vite, dans le courant du début de l'année 1795, que ce lieu a été, alors du point de vue local, a été pillé, a été démantelé. Du point de vue français, c'est évidemment un accroissement des richesses, des collections nationales et de l'instruction publique telle qu'elle pourra être pratiquée en France. Quelques semaines plus tard, le 27 juin 1795, la Commission temporaire des arts, qui est une des nombreuses commissions révolutionnaires, indique, ou bien dans ses papiers qui ont été publiés au début du XXe siècle, indique « L'agent national central du pays d'entre Meuse et Rhin écrit d'Aix-Libre, c'est-à-dire Aix-la-Chapelle, le premier Messidor, qu'il a pris des mesures pour accélérer sur des voitures d'une grande solidité le transport des colonnes destinées à embellir le musée français. » Donc, dès leur départ, ces colonnes, qui font partie d'un ensemble architectural, vont changer de sens. Elles font partie d'un ensemble architectural, mais dès ici, on apprend qu'elles vont servir à embellir le musée français, qu'elles vont avoir une plus-value de beauté pour la déco, en quelque sorte, pour la décoration de ce musée, ce qui les sort de ce cadre lié, historique, lié à Charlemagne, à l'Empire carolingien, etc. Et en effet, ces colonnes, après quelques années à Paris et beaucoup de discussions, vont être intégrées, et vous les voyez ici sur ce tableau d'Hubert Robert du début des années 1800, vous les voyez intégrées ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans la salle des saisons du musée Napoléon, où elles soutiennent, pas réellement, mais en tout cas visuellement, l'architecture, et peut-être réellement d'ailleurs, je ne sais pas si la tectonique s'appuie sur ces colonnes, où elles soutiennent l'architecture avec le groupe du Laocoon, ici, au fond. Donc ces colonnes sont démontées, arrivent à Paris. À Paris, elles n'ont pas une valeur matérielle, on ne décrit pas spécialement, spécifiquement leur origine, elles sont intégrées dans la décoration, mais quand on regarde, quand on lit les catalogues des antiquités du musée Napoléon, on constate, comme dans cette notice des statues, bustes et bas-reliefs de la galerie des antiques du musée Napoléon, que les colonnes de marbre dits orientaux, employées à la décoration des salles, sont d'une part très nombreuses et d'autre part jouent un rôle, y compris pour l'accès à l'antiquité. Donc, ces colonnes sont sorties d'un cadre sépulcral d'une église liée à l'histoire de l'Empire carolingien. Elles sont transportées à Paris, j'exagère un peu là, pour faire joli, mais ce joli est revalué scientifiquement puisqu'elles trouvent une place dans le catalogue des antiquités. Donc, elles ont une double fonction à Paris, celle d'embellir et celle de servir la connaissance de l'antiquité. Si on regarde, par exemple, la salle de l'Apollon, ici, dans cette notice, on peut lire « 4 grandes colonnes de granit rouge oriental de la plus belle qualité sont employées à la décoration de cette salle » et un petit peu plus loin, les 2 qui flanquent la niche de l'Apollon, c'est-à-dire tout près de cette merveille de l'art antique saisie dans les collections « merveille » entre guillemets, en tout cas considérée comme une des plus belles pièces de l'art antique prises dans les collections du pape au Vatican, les 2 qui flanquent la niche de l'Apollon viennent d'Aix-la-Chapelle, ainsi que les 8 de la salle des hommes illustres. Donc on a une indication ici de provenance, mais ce qui intéresse, c'est la belle qualité, la matérialité ici, le granit rouge, et surtout l'effet de soulignement architectural qu'elles offrent à une pièce antique comme l'Apollon du Belvédère. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de notre objet du jour d'il y a quelques semaines, on voit ici l'une de ces colonnes, en effet, directement derrière l'Apollon du Belvédère. Et sur toutes les représentations, et alors une fois qu'on y fait attention, on s'en aperçoit, sur toutes les représentations de cette salle, ici la salle de l'Apollon, avec l'Apollon au fond, sur cette médaille frappée à l'initiative de Dominique Vivant-Denon, vous voyez les colonnes, non seulement celles qui ont été prises à Aix-la-Chapelle, mais d'autres colonnes qui jouent un rôle considérable donc dans l'architecture de ce musée, et plus généralement dans l'architecture néoclassique des années 1800. Et une fois que votre œil sera aguerri et à la recherche de colonnes, vous verrez que même dans la cour du Louvre aujourd'hui, si vous traversez le Pont des Arts et que vous passez ici pour aller dans le premier arrondissement et que vous traversez la cour carrée, vous verrez dans des niches comme ça quelques petites colonnes perdues là, qui n'ont l'air de rien faire et qui sont des souvenirs probablement de cette époque de grands, de boulimie de colonnes qui a touché donc Aix-la-Chapelle, mais pas seulement. Et évidemment, la colonne est aussi un symbole de pouvoir, de puissance, de force, un symbole politique, bien sûr. Alors revenons en arrière. Nos colonnes vont embellir le muséum français, nous indiquent ces documents. Et le 6 juillet 1795, on indique à l'arrivée de certaines pièces que le sarcophage antique dit tombeau de Charlemagne, orné sur trois faces d'un bas-relief représentant l'enlèvement de Proserpine, est arrivé fracturé en divers endroits. Car ces déplacements, même si dans leur ensemble ils se sont plutôt bien passés, ou si la documentation des effets négatifs est toujours plus difficile à retrouver pour les historiens que nous sommes, en tout cas pour ce qui concerne cette pièce et quelques autres, elle arrive cassée, abîmée, fatiguée. Ici, on nous parle d'une fracture. Alors, on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, hein, la translocation, c'est aussi la prise en compte des blessures et des ruptures dans ces mutations. Et là, on va avoir un objet qui non seulement arrive cassé, mais comme vous le constatez en comparaison avec son départ, il s'agissait au début d'un tombeau antique recueilli dans la chapelle de Charlemagne. Maintenant, il s'appelle le sarcophage antique dit tombeau de Charlemagne. On s'éloigne un petit peu de l'idée que Charlemagne était vraiment dedans. Charlemagne, évidemment, il faudrait aussi ouvrir tout le chapitre de l'appropriation iconographique des enseignes et des emblèmes de Charlemagne par l'iconographie napoléonienne. Je n'ouvre pas cette parenthèse, mais peut-être que vous l'avez à l'esprit. Et cette pièce arrive fracturée en divers endroits, donc va être l'objet de réparations, comme un certain nombre d'autres pièces ici à Paris. Et quand elle retournera dans son lieu d'origine, ces réparations seront visibles, appréciées ou non. On y reviendra tout à l'heure. Alors en 1815, puisque c'est l'année qui nous intéresse, en 1815, Dominique Vivant-Denon est confronté à une demande de restitution des colonnes. Dominique Vivant-Denon, le directeur du Louvre. 21 août 1815. Monsieur Chaubert, commissaire prussien, à qui je représentais avec un S l'impossibilité de remettre les colonnes, fut voir avec le secrétaire du musée dans le magasin des marbres les colonnes provenant d'Aix-la-Chapelle qui existent encore. Donc certaines ont été installées dans le Louvre et d'autres sont dans un magasin, dans un dépôt, et on va voir ceux qui existent encore. On peut imaginer que le seul fait de localiser, de déterminer quelles sont celles d'Aix-la-Chapelle a pu être difficile, on imagine la scène. Il convainc que l'on remettrait 8 ou 10 de ces colonnes, les moins fatiguées, et de plus un tombeau antique, présumé avoir contenu autrefois les cendres de Charlemagne. Il n'insista pas sur l'enlèvement des colonnes employées dans le musée. Donc on voit qu'ici, en une vingtaine d'années, ce qui était le tombeau de Charlemagne, qu'on avait pris parce que c'était le tombeau de Charlemagne, est devenu un tombeau antique présumé. Donc scientifiquement, ou en tout cas dans la parole du directeur du musée qui a la parole, comment dire, scientifique sur cet objet, ce n'est plus le tombeau de Charlemagne, d'une part, et d'autre part, on va récupérer les colonnes les moins fatiguées, c'est-à-dire les moins esquintées, les moins abîmées dans ce transport. Et Vivant-Denon est soulagé du fait que, dans un premier temps, on ne lui demande pas les colonnes construites dans le musée, qui sont encore, si vous allez au Louvre, ouvrez bien les yeux, on les voit encore, certaines sont même dotées d'un cartel qui indique qu'elles viennent d'Aix-la-Chapelle. Les choses ne sont pas tout à fait aussi simples que le représente Vivant-Denon dans un premier temps, puisque en 1815, 15 dans cette nouvelle assaut auquel est confronté le Louvre. Le jeune commissaire Rhénan qui travaille pour la Prusse, Eberhard von Grote, va revenir demander les colonnes et il rappelle dans son journal intime publié quelques années plus tard qu'il a été donc confronté à la résistance de Dominique Vivant-Denon et de son adjoint Joseph Lavallée et il indique dans donc ses mémoires publiées quelques années plus tard, ici, dans un texte qui s'intitule « À propos de la reprise des pièces volées par les Français à Paris », il indique « Denon et Lavallée furent pris d'un mouvement d'humeur extrême. Ils parlèrent de vandalisme et de barbarie et n'eurent pas honte d'utiliser des termes qui s'appliquaient très précisément aux pratiques de leur nation. Je rétorquais que c'était eux qui avaient agi en vandales en détruisant la cathédrale de Charlemagne, en lui arrachant ses colonnes et son sarcophage. Et Lavallée eut l'effronterie de me répondre « Oh, ce n'était qu'une église. Vous ne détruirez pas pour cela la maison du roi, c'est-à-dire le Louvre qui constitue l'une des ailes du château des Tuileries. » À ces mots, une fureur ardente traversa tous mes membres et j'aurais voulu arracher aussitôt ses colonnes auprès desquelles nous nous trouvions et enterrer ce misérable bonhomme sous les décombres de la voûte qui n'aurait pas manqué de s'écrouler. Dieu sait que ce n'est pas de ma faute si je ne puis accomplir mon vœu. » Alors ici, on voit bien ce recodage, décodage, ce mouvement de transformation de ces colonnes qui, pour les uns, restent les colonnes de la cathédrale de Charlemagne et pour les autres, sont devenues le soutien de la maison du roi. Alors évidemment, on est à la Restauration, donc il s'agit du roi Louis XVIII, avec ce reste d'athéisme français ou en tout cas hérité de la Révolution française. Ce n'était qu'une église, puisque l'église avait été abolie, donc cette laïcité à la française en quelque sorte, et ici rend furieux le catholique Rhénan, qui considère qu'on ne peut pas mettre le roi au-dessus de l'église. Toutes ces implications religieuses sont aussi derrière ce débat, et vous verrez dans les séances suivantes que les colonnes vont occuper, vont nous occuper, français et allemands, au moins jusqu'en 1915, avec des débats extrêmement vifs. Les colonnes, certaines, celles qui n'étaient pas prises dans le musée, retournent à Aix-la-Chapelle en 1816-1817, mais elles ne sont pas réinstallées tout de suite, là encore, de nombreux débats. Comment se réapproprier des pièces qui ont été abîmées, qui ont été tellement décontextualisées qu'il paraît difficile de les remettre en place, peut-être aussi pour des raisons techniques. Et vous voyez ici, au début du XIXe siècle, donc le fameux octogone dépourvu de ces colonnes, là, et dans un tableau pris du premier étage de l'Emport, ici, donc de ces balcons du premier étage, une vue d'un peintre Verfleut. C'était un tableau de 1818, encore en 1818. Les colonnes, ici, manquent. Elles ne seront réinstallées que dans les années 1840. Et voilà une photo précoce des années 1870 qui nous montre leur réinstallation à Aix-la-Chapelle. Donc ici, on était face à un objet, le chapitre dans lequel on évolue s'appelle « Matériellement autre », où l'altérité de ces colonnes, le fait qu'elles sont devenues autres, est liée au transport, aux dégâts, mais aussi au fait qu'elles ont été décodées et recodées pour un autre usage et que leur retour n'est pas rendu naturel, outre les problèmes techniques. Autre exemple, il faut imaginer que ces éléments d'architecture concernent Aix-la-Chapelle, mais concernent d'autres cas dans toute l'Europe. En fait, on ouvre des grilles de lecture qui doivent nous permettre aussi ensuite de les appliquer à d'autres cas en Europe. Autre cas très fréquent, celui de la restauration de tableaux. Je vous montre ici l'Eda et le Cygne, un tableau peint vers 1532 par le Corrège. Le Corrège qui, autour de 1800, était ex aequo sur le podium avec Raphaël, ou même en fait sur la première marche du podium, et Raphaël à l'époque n'était pas encore le grand peintre du XIXe siècle, le grand héros que toutes les collections voulaient avoir. C'est à ce moment-là qu'en fait la course va être gagnée par Raphaël, mais le Corrège est Platz eins, comme on dirait en allemand. C'est le peintre, le grand peintre dans l'histoire du goût des années 1800. Ce tableau se trouve aujourd'hui à Berlin. Il était entré dans les collections, donc ce tableau d'un peintre italien de la Renaissance, était entré dans les collections des rois de Prusse en 1755. Et quand il était arrivé dans cette collection, il avait été installé dans la Bildergalerie, la galerie de tableaux à Sanssouci. Si vous êtes déjà allé à Sanssouci ou si vous y allez à Berlin, à Potsdam, qui était la résidence de Frédéric le Grand, vous voyez ici le grand château de Sanssouci. Et tout de suite, sur la droite, quand on est en face, ce petit bâtiment qui était sa galerie de tableaux, qui était semi-public, pas très public, à vrai dire. D'autant que le voyage à Potsdam, à la périphérie de l'Europe, était compliqué. Même quand on est à Berlin, c'est difficile à ce moment-là. Ça prend une journée de cheval d'aller à Potsdam. Donc on ne peut pas dire que ce soit un lieu public. Et cette galerie avait été vidée. D'abord, elle avait été évacuée et cachée dans l'actuelle Pologne quand on a su en 1806 que les Français s'approchaient. Le directeur de la galerie l'avait vidée et envoyée à Custrine. Il l'avait mis à la place parce qu'il était peintre des tableaux de lui. En pensant que par cet habile stratagème, Dominique Vivant-Denon ne s'apercevrait pas que la galerie avait été vidée, mais cette galerie avait été publiée, et évidemment Dominique Vivant-Denon, qui est à la recherche de pièces importantes, travaille avec les catalogues de l'époque, avec les publications, il sait extrêmement bien où trouver quoi, et notamment existait à l'époque un catalogue de 1766 qui montre l'arrangement des tableaux de la Grande Galerie Royale à Sanssouci, où on voit ici notre Léda du Corrège. Donc cette Léda va être retrouvée à Custrine, transportée à Paris et exposée dans cette exposition dont il a déjà été question, l'exposition des pièces, des objets conquis par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d'Iéna. Donc exposition très politique, et à l'intérieur de cette exposition sont présentés les tableaux, les pièces prises notamment à Frédéric le Grand à Potsdam. Vous voyez donc sous le numéro 330 Jupiter et Léda, avec une longue description, ce qui est rare dans cette petite notice où vous le voyez au-dessus, les descriptions sont plutôt courtes. Ici, une longue description sur la provenance du tableau. Je la lis avec vous parce qu'elle est intéressante et qu'elle est au cœur des questions qui nous occupent. Ce tableau fut donné par Frédéric, duc de Mantoue, à Charles V, venu à Bologne en 1530 pour se faire couronner empereur. Transporté à Prague avec d'autres chefs-d'œuvre, il en fut enlevé en 1548 lors de la prise de cette ville par les Suédois et porté à Stockholm, où il servait, d'après Mengs, à boucher les jours d'une écurie. Il est plus vraisemblable cependant qu'il resta roulé jusqu'en 1552, que le Bourdon en vanta le mérite à la reine Christine, qui, n'en connaissant pas la valeur, voulait en faire présent à ce peintre. La princesse le conserve dès lors précieusement et l'emporta avec elle à Rome. Donc on a un tableau de l'école italienne qui est passé par Prague, qui a été saisi par les Suédois lors d'un pillage accompagnant les guerres de la reine Christine de Suède. La reine Christine de Suède ne s'en occupe pas trop, puis elle apprend que c'est une pièce intéressante. Tout ça, c'est une narration à demi vraie, authentique, qu'on peut vérifier, et à demi romancée. Elle s'attache à ce tableau, elle le rapporte à Rome. Donc ce tableau vient de faire déjà un tour d'Europe et il est de nouveau à Rome. À sa mort, à la mort de Christine, il vint dans la puissance de Don Livio Odelcaschi, et fut vendu par ses héritiers avec d'autres tableaux à Philippe d'Orléans, alors régent. Philippe d'Orléans qui est à Paris et qui a une galerie presque publique avant l'existence du musée Napoléon. Depuis, son fils, poussé par un excès de zèle religieux, coupa ce chef-d'œuvre en trois morceaux, enleva la tête et donna le reste à Charles Coypel, premier peintre du roi, qui réunit le tout et rajusta le tableau. Après la mort de cet artiste, il fut restauré par M. Deslien et enfin vendu au roi de Prusse. Donc c'est un tableau, j'ai omis de le décrire, mais il représente l'histoire d'Ovide, de Léda séduite par Zeus, incarnée par un cygne, et c'est cette partie-là qui a choqué le fils du duc d'Orléans, qui dans son zèle religieux, la trouvant peut-être trop érotique, lui a arraché la tête. Le tableau a donc été recousu, arrangé, puis vendu au roi de Prusse, et il se trouve dans les collections du roi de Prusse avec cette nouvelle tête de Deslien ou de Coypel. Et on apprend toujours dans le même catalogue, ici à la fin, qu'il y a un autre tableau représentant Jupiter et Io, mais que ces deux tableaux ont trop souffert pour être exposés avant leur restauration. Donc on les voit dans le catalogue, mais ils ne sont pas montrés dans l'exposition. Ils font partie d'une grande campagne de restauration qui s'applique à tous les tableaux, pratiquement, qui sont destinés à être exposés dans le musée Napoléon. Il faut imaginer que entre 1796 et 1810 à peu près, quand tous ces tableaux arrivent à Paris, une sélection est opérée. Il y a ceux qui vont aller au musée Napoléon, qui ne sont pas les plus nombreux, mais qui vont faire l'objet d'un traitement très privilégié de restauration de haut niveau, très coûteuse. Et les budgets, les dossiers nous montrent que des budgets considérables sont investis pour leur réparation. Et puis il y a tous les autres tableaux qui ne seront pas montrés et qui, eux, parfois restent dans des dépôts, dans des conditions bien moins bonnes. Alors, quand on va aux archives nationales, par exemple, on trouve dans le dossier O2-839 des listes entières, des budgets. Ici, vous voyez le budget 1808, avec un fonds de 50 000 francs pour la restauration des tableaux de la conquête de 1806. Et cette arrivée de tableaux et le travail que font les restaurateurs ici à Paris, nuit et jour pratiquement, puisque l'afflux est si important, fait que se forme à Paris une sorte de poule de pointe des techniques de restauration de l'époque. Mais vous allez voir que tout ça n'est pas forcément simple. Noémie Etienne a étudié ces travaux, donc les pratiques de restauration, mais aussi, et c'est très intéressant, les discours qui les accompagnent, parce que restaurer un tableau, ce n'est pas seulement faire une opération technique sur ce tableau, c'est dire quelque chose sur lui. Restaurer un tableau, c'est dire quelque chose sur sa valeur, est-ce qu'on investit beaucoup pour sa restauration ou pas, et c'est dire quelque chose aussi sur la manière dont on considère les restaurations éventuelles précédentes. Parfois, ces tableaux font l'objet de restaurations et de commentaires des restaurateurs qui disent « il faut absolument re-restaurer ce tableau parce que ce qui a été fait avant, on aura un exemple tout à l'heure, a été très mal fait, les étrangers ne savent pas faire, c'est nous ici qui savons faire ». Ou, à sens inverse, à propos de Rubens, on trouve des débats à cette époque sur le fait que Rubens ne peut être restauré que par des peintres et des techniciens flamands. Que personne d'autre ne peut toucher un Rubens, sinon ça va absolument rater. Alors, ce qui est très intéressant pour notre tableau du Corrège ici, et pour cette matérialité autre qui va l'affecter, c'est qu'il va être confié à celui qu'à l'époque on appelle le Corrège français, Pierre-Paul Prudhon, qui va obtenir une somme très importante, 2000 francs, ce qui par rapport aux autres sommes dépensées est une somme importante, pour restaurer la tête de Léda. Et l'autre tableau également. On a ici le billet qui accuse réception de la somme de 2000 francs qu'il a obtenue. Je sous-signé reconnais avoir reçu de Monsieur Lavallée, secrétaire du musée Napoléon, sur ordre de Monsieur Denon, la somme de 2000 francs pour restauration importante de deux tableaux du Corrège, représentant Léda et l'autre Io, récemment arrivés de Berlin, qui furent mutilés par le duc d'Orléans, fils du régent, lorsqu'il était dans la galerie célèbre dite d'Orléans. Et on retrouve donc ce tableau quelques mois plus tard. Il vaut ici, dans le prix d'estimation de l'objet, 120 000 francs, ce qui est une somme vraiment importante pour un tableau du musée Napoléon. Donc Allegri dit le Corrège, Jupiter et Léda, provenant de la conquête de 1806. On voit un peu plus loin que ce tableau a fait partie des restitutions de 1814, de la première fournée de restauration, vous vous souvenez, celle où les Français s'étaient engagés à rendre ce qui n'était pas exposé. Donc manifestement, ce tableau n'était pas exposé en 1814, malgré ces restaurations. Et on voit qu'il a été remis le 3 octobre 1814 à Monsieur Henri, commissaire prussien. Alors Monsieur Henri, commissaire prussien, on le connaît déjà, c'est celui qui a tenu un journal de bord à Paris en 1814. Quand il récupère ce tableau, il est horrifié. On nous a enfin remis hier les tableaux que Sa Majesté très chrétienne, c'est-à-dire Louis XVIII, a fait restituer dès le 4 juin à Sa Majesté le roi de Prusse. Ce sont deux tableaux capitaux, mais l'un avec une tête nouvelle et l'autre avec des restaurations imparfaites qui le défigurent. Très important ici, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce jugement. On peut considérer que les restaurations pratiquées pour cette haute somme par Prudhon étaient des restaurations de haute qualité, en tout cas pour les standards de l'époque. Mais le fait que ce tableau revienne transformé, revienne différent, irrite le propriétaire légitime et va conduire, vous le verrez dans la prochaine séance, à des réactions. Donc ces objets transformés, quand on les récupère, quand ils sont récupérés, souvent font l'objet, un, de remarques sur les transformations qu'ils ont subies, et deux, de gestes, de re-restauration, dérestauration, etc., ce qui sera le cas pour celui-ci, mais je laisse le suspense jusqu'à la prochaine fois. Par ailleurs, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, par ailleurs, Henri se plaint de ce que les autres tableaux qui n'étaient pas exposés n'ont pas, eux, subi de restauration. Combien, il écrit à Dominique Vivant-Denon, en 1814, combien n'avons-nous pas dû être étonnés de l'état où il se trouve ? Un grand nombre est dans une dégradation déplorable et même complète. Couleur sautée ou usée par le frottement des planches disjointes ou vermoulues ou brisées. En un mot, 6 à 8 de ces tableaux ne sont plus bons qu'à mettre au rebut. Là encore, attention, ne pas tout prendre au pied de la lettre, c'est une manière aussi de dire ce que vous nous rendez, ce peu que vous nous rendez en 1814, ce n'est pas assez, ce n'est pas de bonne qualité, c'est un scandale, on en veut plus et on veut de la meilleure qualité. Hein. Donc tout ça, ce sont des stratégies, mais qui portent sur la question de la matérialité des tableaux, et c'est ce qu'a étudié très bien Noémie Etienne. Je vous montre un contre-exemple d'un autre rapport de restauration fait par un des restaurateurs les plus actifs du moment qui s'appelle Aquin. Il parle d'un tableau venu de Brunswick, il écrit... Donc il fait un rapport de restauration. Ce tableau était peint sur un coutil plein, très épais et sans impression. L'extrême humidité qu'il avait subie, entre parenthèses, pendant le voyage, puisque ces tableaux viennent de musées, dans ce cas précis, qu'il avait subi, avait fait détacher quelques parties de couleur et on avait essayé de les fixer avec des huiles grasses vernies, etc., qui ont ajouté à la dureté naturelle du coutil et diverses tentatives faites chez l'étranger, pour le rétablir. Toutes contraires à ce but ont rendu cette opération longue et pénible par l'attention minutieuse qu'elle a exigée. Donc, la bonne pratique, les bonnes manipulations à faire, c'est ce tableau de Palma Vecchio, Adam et Ève, qui venait de Brunswick. Les gestes qui sont faits sur ces objets sont des gestes souvent liés à soit une fierté nationale, soit un discours national sur les meilleurs spécialistes capables de conserver les œuvres. Et ceux qui sont le mieux capables de conserver les œuvres sont aussi... techniquement, technologiquement, et c'est le sous-texte, sont aussi les seuls qui méritent de les avoir, de les posséder comme objet. Si je suis capable de mieux maintenir ton patrimoine, c'est à moi qu'il faut le laisser, et non pas à Brunswick, etc., où les choses étaient en mauvais état. C'est ou, à sens inverse, non pas les Français qui ont gâché la tête de notre Corrège. Il n'y a que chez nous, en Prusse, à Berlin, que ces œuvres seront bien traitées. On a des discours, donc, ici, qui cachent des positionnements souvent nationaux. Dans le cas de Adam et Ève, et dans de nombreux cas d'ailleurs, quand les œuvres sont restituées, les directeurs des musées d'où elles avaient été prises sont tous extrêmement satisfaits, comme Amperius, le directeur du musée de Brunswick, qui note en 1815 « On nous assura que 1200 francs avaient été employés à la restauration, fort bien réussie, de cette pièce. » Et si on se penche un instant sur les pièces antiques, les statues antiques, on évoquait tout à l'heure le sarcophage arrivé brisé à Paris. Si on regarde une prise de position du directeur du musée des Antiques de Cassel, Ludwig Völkel, lui aussi est extrêmement content des modifications physiques, matérielles, qui ont été apportées à certaines des pièces de sa collection de Cassel, du musée Fridericianum. Il écrit « Grâce aux restaurations nouvelles, quelques-unes de nos statues antiques avaient désormais une allure vraiment bien meilleure et plus agréable. » Les parties modernes avaient été replacées et les joints étaient plus soigneux, de sorte qu'ils se faisaient moins remarquer. Le vernis appliqué sur les statues donnait au marbre neuf et brillant une couleur proche des parties anciennes et l'ensemble avait ainsi un ton homogène qui atténuait la différence criante entre les parties modernes et antiques. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, souvent ces statues antiques sont des fragments de différentes statues qui ont été mises ensemble, qui ont été assemblées pour le marché de l'art du XVIIIe siècle, et souvent, par exemple, une tête avait été posée sur un corps sans tête, et on voyait beaucoup les jointures, et le fait ici que les jointures soient gommées, alors évidemment, maintenant, on ne ferait plus ça, et au contraire, on dérestaure, on resépare les pièces, mais à l'époque, le standard, enfin, ce qu'on veut, c'est gommer la différence entre le nouveau et l'ancien, la restauration et le complément, ce qui est extrêmement réussi du point de vue donc, de ce directeur de musée allemand. Je vais faire vite pour traverser les deux autres chapitres. L'un s'appelle donc « Scientifiquement augmenté » et le troisième « Politiquement chargé ». Scientifiquement augmenté, au-delà de la matérialité des pièces, les modifications, les transformations, les mutations qui les affectent sont des mutations, comment dire, immatérielles, intellectuelles. Ces œuvres arrivent à Paris et pour certaines seulement, pas pour toutes, pour certaines, elles n'avaient pas été très étudiées dans leur contexte d'origine. Certaines, bien sûr, le groupe du Laocoon, qui avait été décrit déjà depuis le XVIIIe siècle, notamment par Winckelmann, l'Apollon du Belvédère, était extrêmement connu, extrêmement publié, avait suscité beaucoup de travaux, mais d'autres, et en particulier qui venaient plutôt de la périphérie de l'Europe, disons de Cassel, de Brunswick, avaient été peu étudiées. Le fait qu'elles arrivent à Paris, ces pièces, fait qu'elles sont non seulement mises dans un ensemble scientifiques, si on considère le musée comme une machine à faire de l'histoire de l'art, où elles vont être mises en contexte dans l'histoire d'un peintre. Alors, par exemple, un tableau de Raphaël provenant de Berlin va être mis ici à Paris avec tous les Raphaëls provenant de Rome. Et du coup, on pourra savoir si c'est un Raphaël de la première période, de la seconde période. Ça va faire sens dans un discours scientifique qui se crée absolument à Paris. Car le musée, C'est d'abord le lieu, ce lieu où l'on va, où l'on peut aller, si on a le privilège d'y aller, mais c'est aussi un lieu immatériel qui est l'occasion de publications très nombreuses, de livres qui vont irriguer toute l'Europe et qui vont servir de base de travail pendant plusieurs décennies à tous les historiens de l'art, aux antiquaires, ce qu'on appelle les antiquaires, les archéologues, qui vont travailler là-dessus. Vous voyez ici une des publications qui s'appelle « La galerie du musée Napoléon » de Fiol, publiée à cette occasion, mais c'est la présence à Paris de toutes ces œuvres d'art a suscité beaucoup de projets éditoriaux, et non seulement Fiol, alors là il s'agit de volumes qui ont à peu près cette taille-là, qui sont assez légers et qui n'étaient sans doute pas très coûteux. J'ai pu en acquérir moi-même sur Internet aujourd'hui, on les trouve encore, donc c'était une publication très diffusée. Vous avez en revanche de très très grands volumes, une folio extrêmement lourd pour lesquels il faut deux personnes pour les déplacer, qui sont plutôt des publications de très grand luxe qu'on trouve dans quelques bibliothèques royales en Europe, mais qui sont agrémentées aussi de textes importants. Vous avez aussi de tout petits cahiers format poche comme ça qui coûtaient un franc et qui comportent eux aussi des descriptions scientifiques de toutes ces œuvres. Donc, non seulement nous avons ce lieu ici, le Louvre, le musée Napoléon, avec l'arrivée ici du torse du Belvédère et puis en haut, je crois l'avoir déjà montré, le télégraphe, le centre du réseau télégraphique de toute l'Europe, donc l'antiquité et la modernité en quelque sorte, qui est aussi une modernité scientifique, ici dans ce musée, va se mettre en place le discours et l'encodage scientifique de toutes ces pièces, ou en tout cas l'harmonisation scientifique, puisqu'elles sont ensemble. Donc des publications, comme je le disais, paraissent un très grand nombre, reproduisent les œuvres dans des qualités excellentes. Vous voyez ici la transfiguration de Raphaël dans le volume qui s'intitule « Le musée royal », qui était le grand volume très prestigieux, qui comporte les textes les plus importants. Ou ici encore, Antinéus en bon génie, venu de Cassel. Et ces grandes gravures sont accompagnées de discours historiques ou de descriptions ou de travaux scientifiques sur chacune des pièces. Là encore, attention, seul un petit nombre de pièces ou seules celles qui étaient vraiment exposées au musée Napoléon bénéficient de ce luxe de faire l'objet d'études scientifiques. Tout ce qui disparaît dans les dépôts, puisque le musée Napoléon ne montre que la pointe de l'iceberg, que les plus belles choses, tout ce qui disparaît, en revanche, devient invisible et n'est pas traité scientifiquement, n'est pas accessible. Mais en tout cas, ce qui est visible est en plus augmenté scientifiquement, comme je le dis, et jusqu'à, d'ailleurs, des expérimentations extrêmement intéressantes de ce qu'on appellerait d'interdisciplinarité. Vous voyez ici la tête de l'Apollon du Belvédère, qui sert d'étude anatomique. Donc on imagine, Jean-Galbert Salvage imagine la musculation et la forme du crâne de l'Apollon du Belvédère à partir de la statue. Donc le Louvre devient un laboratoire scientifique pour plusieurs disciplines, d'abord pour l'histoire de l'art et de l'archéologie, mais aussi pour l'anatomie et d'autres disciplines. Ça m'a paru, vous verrez pourquoi tout à l'heure, intéressant de vous montrer cette planche de l'anatomie de Jean-Galbert Salvage. Alors, certaines pièces donc vont être incluses dans ce grand discours scientifique. Et là encore, si on reprend l'avis de notre collègue Ludwig Völkel de Kassel, Fridericianum, quand les œuvres reviennent, elles ont gagné. Elles ont gagné, dit-il, beaucoup d'œuvres d'art inconnues. Et il parle de ses collections à lui, qui sont de très prestigieuses collections d'art antique formées au XVIIIe siècle et qui étaient dans les années 1770, qui étaient à Kassel et qui ont été transportées à Paris. Beaucoup d'œuvres d'art inconnues ou insuffisamment appréciées ont atteint la notoriété qu'elles méritaient, même si le lieu où elles avaient été prises était presque toujours caché ou pas spécifié avec précision. Je dirais même plus, l'interprétation de certaines d'entre elles est devenue plus certaine et plus correcte grâce à la comparaison plus facile de monuments similaires qui se sont rencontrés là-bas. Et en effet, quand on revient sur les représentations des salles du Louvre dans ces années-là, on s'est arrêté un long moment sur une salle qui présentait une présentation très patriotique, nationale de Napoléon, vous vous souvenez peut-être, avec le triomphe du vainqueur de Rubens qui était au-dessus de sa tête et puis ce très grand buste. En revanche, on a des salles comme celle-ci, la salle de Diane, où les pièces sont organisées de manière scientifique, c'est-à-dire symétrique. Vous voyez ici deux statues de Igé, l'une des déesses, une déesse de la médecine avec son serpent. Donc on a en fait une mise en place ici iconographique des pièces qu'on peut bien comparer. Et au milieu, je crois, avec un serpent également, Esculape, ou, oui. Par ailleurs, des urnes funéraires de manière symétrique ici aussi, ou des bustes casqués qui permettent un travail d'historien de comparaison. Et quand, dans une salle comme celle-là, ici, dans le cas présent, représente des antiques prises à Potsdam, à Berlin et à Kassel, et à Brunswick. Quand vous les mettez ensemble comme ça, vous leur donnez en quelque sorte une dimension plus universelle et en tout cas une dimension de preuve scientifique dans une série qui permet de faire des avancées sur les travaux. Cette statue-ci qui provenait de Cassel s'appelle Didius Julien et on la voit à Paris, c'est un exemple simplement, publié plusieurs fois avec d'importantes descriptions qui insistent sur le fait qu'elle est extrêmement rare, extrêmement unique. Cette statue, lit-on dans la notice des Antiques, cette statue en habit romain présente le portrait de Didius Julien, de ce riche sénateur qui osa acheter des soldats prétoriens à l'Empire romain après le meurtre de Pertinax. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est les portraits en sculpture de cet Auguste sont de la plus grande rareté. Il n'en existe aucune d'aussi authentique et certain que celui-ci, comme on peut s'en convaincre par les médailles. Donc, le fait que cette pièce venue de Cassel soit à Paris, puisse être comparée, etc., lui augmente sa valeur scientifique, et peut-être aussi, et c'est extrêmement intéressant, j'ai cherché activement, mais je n'en ai pas vraiment beaucoup trouvé, la question de la valeur financière de ces pièces. Puisqu'évidemment, quand elles partent et qu'elles sont mises en scène ici à Paris, elles changent aussi de valeur financière. Et c'est en général le cas dans tous les phénomènes de translocation. Quand les œuvres partent, elles sont en général réévaluées, en tout cas si elles ont été montrées sur le marché, elles deviennent chères. Mais ici, ce discours sur la cherté, sur le gain financier, n'est pas très présent. Je l'ai cherché. C'est peut-être une des grandes différences d'ailleurs avec les autres cas de restitution qu'on connaît dans l'histoire, que la question de l'argent, ici, n'est pas très présente, alors que le marché est très actif. Mais peut-être que c'est lié à un défaut de recherche de ma part et que je n'ai pas cherché au bon endroit. Si je trouve, je vous préviens. Deuxième exemple d'augmentation ou de valorisation ou dévalorisation scientifique. Toutes les questions qui nous occupent depuis le début portent sur des œuvres d'art, vous le savez, mais je l'ai dit assez souvent également sur des livres, des manuscrits, des objets scientifiques et des archives. On s'est concentré, nous, sur les œuvres d'art, mais je voulais quand même vous montrer comment dans des domaines parallèles ou proches, ou des pièces où on ne sait pas exactement si c'est des œuvres d'art ou des œuvres scientifiques, comment là aussi le départ et le retour va changer la valeur de l'objet. 1797, le témoignage traduit en français ici d'un Allemand de la région de Zintzig, près de Trèves, qui était devenu un département français. Les Français transportèrent de Zintzig à Cologne un cadavre tout à fait intact, qui était resté sous terre pendant des centaines d'années, tous les membres étaient souples. Partout où ils passaient avec le cadavre, les Français le montraient aux bourgeois et aux paysans contre 6 sous, en prétendant, ce qui n'était certainement pas vrai, que c'était pour les pauvres. On a ici une scène où les commissaires français, et un commissaire français en particulier qui s'appelait Kyle, découvrent dans la ville de Zintzig une momie d'un Vogt, c'est un prévôt qui est momifié et qui était vénéré comme l'homme de cuir de ce pays. Donc une croyance, disons, ancestrale, c'est une momie du XVIe, XVe, XVIe siècle, qui était vénérée dans cet endroit. Elle était restée sous terre, puis elle avait été déterrée, et elle était vénérée dans cette région de Zintzig. Elle est apportée à Paris, et voilà le prévôt que vous voyez ici dans une photographie de 1996, Zintzig, Katholische Pfarrkirche St. Peter, donc il est exposé en 1996 dans l'église Saint-Pierre de Zintzig. Et il s'agit de l'Edemänche, donc l'homme de cuir, ou bien der tote Leichnam, le cadavre mort, ou bien der Vogt von Zintzig, le prévôt de Zintzig. Donc cette momie va être transportée parmi les autres pièces rapportées par ses commissaires dans les années qui suivent l'annexion de la rive gauche du Rhin, va être transportée à Paris, et il fait l'objet ici d'une négociation sur où on va le mettre, déjà à Paris. Et cette négociation est une codification de la nature de cet objet, une momie. Que faire d'une momie qui arrive d'une église et qui est une sorte de saint local ? Dans le magasin encyclopédique, qui est le grand journal scientifique de l'époque, on peut lire « Le commissaire des arts en Allemagne avoit en outre une très belle momie trouvée à Zintzig. Cette momie est arrivée au Muséum des Antiques. Ce n'est autre chose qu'un cadavre desséché, comme on en trouve en plusieurs endroits, et à qui on a donné la forme d'un saint, comme on le fait au corps bien conservé qui se trouve dans les catacombes de Rome. Celui-ci a des bas de coton, un bandeau bleu chamarré d'argent, un bouquet de filigranes dans les mains qui sont croisés sur la poitrine. C'était sans doute un objet de culte dont on a privé très inutilement le pays. » Donc, cette pièce arrive, elle est intégrée d'abord au Muséum des Antiques et on considère qu'on n'aurait pas dû faire ça puisqu'on en a privé inutilement les autres. C'est un objet de culte qui arrive au musée, comme les tableaux d'hôtel, etc., mais qui porte ici sur des restes humains, bien sûr, ce qui a une qualité différente à l'époque comme aujourd'hui. Il est placé dans une bière peinte en noir, fermant à clé. Les conducteurs l'ont fait voir pour de l'argent dans la route. Et ils demandaient qu'on leur laissât une journée à Paris pour cet usage. Donc, ils voulaient faire un spectacle de momie pour gagner de l'argent aussi un petit peu à Paris. Ce qui ne leur a pas été accordé. Ils ont pris, comme le singe de La Fontaine, le nom de la ville pour un nom d'homme. Et le corps est devenu celui de Zintzik. Et la prononciation de la première syllabe a fait croire que c'était un cadavre d'un nommé Zig, le saint Zig, mis au nombre des saints. Les conservateurs du Muséum des Antiques ont envoyé ce cadavre au Muséum d'Histoire Naturelle, où il sera mieux placé. Donc, objet de culte, objet d'un petit rapport scientifique et, philologique, Zintzik, voilà, donc ici, l'habitus du scientifique, probablement Louis Aubin, Louis Milin, qui fait ce texte, et qui dit, voilà, je considère que ça n'aurait pas dû quitter Zintzik, et que ce sera beaucoup mieux au Muséum d'Histoire Naturelle. Au Muséum d'Histoire Naturelle, où notre Eberhard von Grote, le jeune légataire prussien qui réclame les pièces en 1815, va tenter de le récupérer en 1815, où il a un dialogue dont il rencontre avec Georges Cuvier, le directeur du Muséum. « J'étais désolé », écrit Grote, qui à l'époque avait 19 ans ou 20 ans. « J'étais désolé de devoir déranger ce savant, alors, hélas, qu'il était entièrement absorbé par une tâche qui demandait toute son attention, le dessin d'un œil macéré. » On imagine la scène. Donc l'un dessine un œil macéré, très concentré, l'autre veut récupérer le zincic. « Il était d'autant plus exaspéré, me dit-il, que cette momie ne valait strictement rien et qu'il serait prêt à m'en livrer des douzaines si je voulais bien lui ficher la paix. » Donc là encore, le changement, la transmutation, la translocation, la mutation de l'objet fait de lui quelque chose d'autre. Il en fait une momie parmi d'autres, une momie sans intérêt, ce qui va avoir des conséquences, ou pas, on verra, au moment de cette réappropriation qui nous occupera la semaine prochaine. Je finis en quelques minutes sur la question politique de ces œuvres. On a vu des œuvres transformées matériellement, qui changent de visage, dont on considère que leur visage est plus beau ou qu'elles sont défigurées. On a vu des œuvres recodées, augmentées, valorisées ou dévalorisées par le regard scientifique qu'on a porté sur elles. Et maintenant, on va voir comment certaines pièces, quand elles reviennent, alors qu'elles n'avaient pas cette dimension politique, ou en tout cas pas de manière si forte, vont en avoir une au moment de leur retour. C'est particulièrement net dans le contexte allemand sur lequel on reviendra la prochaine fois, mais j'ai choisi pour vous montrer que ce sont des contextes européens, un exemple toscan, un exemple florentin. Alors, au moment du retour de ces œuvres italiennes à la fin de l'année 1815 et quelques mois plus tard, la presse italienne, et dans le cas qui nous concerne la presse toscane, ouvre ses pages très largement au retour des œuvres. Et ce sont des discours extrêmement intéressants, parfois des hymnes, parfois des poèmes, qui nous donnent une idée de la valeur projetée, de la valeur politique, discursive, projetée sur ces pièces qui reviennent ici. Donc on a la Gazzetta di Firenze, publiée le 20 février 1816, qui consacre un très long texte du Granducato di Toscana sur les capi d'opéra ritornati da Parigi. Et c'est un très long texte qui se poursuit sur plusieurs pages. On en regarde simplement un tout petit passage pour prendre la température politique liée à ces retours et la charge politique projetée sur certains tableaux qui, à vrai dire, n'en peuvent mais pour ce qu'ils sont vraiment la représentation d'un saint ou autre. Mais on continuera sur cette question la prochaine fois. Je lis un petit peu avec vous, si vous voulez bien, les passages qui me paraissent les plus importants. Au début du texte, il popolo fiorentino non ha cessato mai in questi giorni d'accorvi in folla, nous dit que le peuple florentin tout entier est accouru en foule pour voir ces tableaux, qu'il y a donc un grand élan populaire pour voir ces tableaux. Bon, donc ensuite, le texte explique que pour chacun, il était extrêmement intéressant de voir que l'art toscan était extrêmement fort et que le retour de ses œuvres montre combien la Toscane n'a besoin de personne pour être forte, n'a pas besoin des autres, ni politiquement, ni dans d'autres contextes, puisqu'elle est extrêmement forte pour ce qu'elle sait faire elle-même, par exemple la peinture. Donc dans ce texte revient beaucoup l'idée de la Toscane comme puissance politique forte, aussi grâce a son art. Ognuno pareva, per così dire, di divenir grande in mezzo ai quei monumenti del genio. Chacun avait l'impression d'être grandi au milieu de ces monuments et de la gloria toscana et de la gloire toscane. Et il voyait qu'il n'avait plus dovere invidiare alle altre nazioni. Il n'y avait rien à envier aux autres nations ou aux fortunes des armes ou à la puissance politique, puisque nous-mêmes, nous sommes grands lorsque nous imitons la belle nature avec naïveté. Nous sommes les premiers au monde pour faire ceci. Alla vista del San Marco del Frate, dopo aver domandato a se stesso come si possa esprimere, si possa tanto grandezza, donc après avoir vu le Saint-Marc et après s'être demandé à soi-même, chaque visiteur, comment on peut représenter tant de grandeur, on se disait, questo è toscano, il est bien toscan celui-là. Et puis ça continue, toscano è quel Michelangelo, et toscano, donc Michel-Ange est lui aussi toscan, qui a fait ceci, cela. Toscano è Andrea, Andrea del Sarto. Il est toscan. Et puis ça continue avec un problème. Ma Raffaello. Egli non è toscano. Que faire alors avec les écoles des autres qu'on a récupérées soi-même? Et ici, la pirouette discursive va être de dire oui, il n'est pas toscan, mais non è toscano, è vero. C'est vrai. Ma italiano è pure. Mais il est italien. È molto appresso dalla scuola toscana. Et il a beaucoup appris de l'école toscane. Et ce genre d'appropriation, alors ici, ça vous fait rire, parce que la Toscane, l'Italie, ces questions-là, ça nous paraît absurde en réalité de projeter une fierté patriotique aussi locale sur des peintres. Mais vous verrez que dans le contexte allemand, c'est encore plus intéressant parce que dans les collections allemandes qui avaient été emportées à Paris, il y avait très peu de peintres allemands. Donc quand les Allemands récupèrent leurs œuvres, ils sont bien embêtés de dire, bon, on récupère Corrège, on récupère des Raphaël, on récupère des Rubens, alors que faire, comment faire pour leur donner quand même une charge politique, une charge identitaire? Et ça, vous verrez, ce sont des négociations très absurdes aussi, mais extrêmement intéressantes, et qu'il convient de dénouer et de déchiffrer. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine, ce dont je me réjouis beaucoup. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de Bénédicte Savoy. Aujourd'hui, 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Aujourd'hui, le retour du même, différent. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoy. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « Objet du désir, désir d'objet ». Elle a également publié « Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800 » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2003. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du moment 1815 en Europe. Bénédicte Savoy s'interrogera sur les réappropriations plurielles. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.